yourselves. Ça y est, t'as fini de cluber. Tu commences à me prendre pour une teubée. Garçon, arrête de m'énerver. Je commence à te voir comme un teutré. Les groupies, la mala, les bonasses. Font un sur le col, mais quelle audace. Je suis restée froide, j'avais l'occasion de te griller avec toutes tes chaudasses. Le mot de passe de ton tel, le mot de passe de ton snap, le mot de passe de ton insta, même celui de ton mail. Donc maintenant, assume, t'es le bonhomme, sois honnête. Je te dirai pas ce que j'ai vu, mais toi tu vas me dire ce que tu regrettes. Toi pas trop connaître la friendzone, toi pas trop comprendre quand je te parle. Mais là ouvre tes oreilles, faut entendre. Toi va bientôt devenir Céline. Mais je crois que t'as pété un câble. T'auras pas besoin d'avocat. Mais ce soir tu passes à la barre. Tu kiffes, tu kiffes, tu kiffes tes ambiances de la night. Combat pas tes vieux démons. T'as gagné, je vais pas me fight. Quand je t'ai rencontré, je pensais que t'étais fiable. Maintenant que je vois ton vrai visage, j'avais pas capté la faille. Toi pas trop connaître la friendzone, toi pas trop comprendre quand je te parle. Mais là ouvre tes oreilles, faut entendre. Toi va bientôt devenir Céline.